café au lait. Traîne doucement ses pieds sur l'autre bord de l'Atlantique. Un enfant café au lait, aux grands yeux émerveillés. La seule école où il va, c'est l'école de samba. On dirait que le soleil est fait pour cet enfant café au lait. Un enfant café au lait, un ballon au bout du pied. Jamais l'histoire des négriers.